Audiomatique. La transmission 149 d'Audiomatique était introduite par Deadbeat Project, mené par l'artiste français Olivier Goyet, qui nous présentait sa composition The Reason of My Soul, tirée de son premier album Breaking the Shell. Vous êtes en compagnie des électronistes et nous serons vos hôtes pour la prochaine heure. À Audiomatique, notre mandat est simple, soit de vous présenter des musiques à caractère électronique. Vous comprendrez que nos choix sont tout à fait arbitraires, mais nous espérons qu'ils seront tout de même pertinents. Notre but n'est pas nécessairement de plaire, mais plutôt d'informer, de vous informer sur l'existence d'une scène foisonnante et bigarrée qui se dévoile souvent comme étant tout et son contraire. Si vous sentez le besoin de réagir ou d'interagir, vous pouvez nous joindre, entre autres, en nous inscrivant à l'adresse audiomatique@gmail.com ou par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomatique. Le prochain enchaînement musical à Audiomatique se déploie à l'instant avec le projet japonais Worlds and Girlfriend. Thank you. I brought you a small dignity. Cette séquence musicale se terminait à Audiomatic avec l'artiste anglais Barry Adamson, qui à la fin des années 70 a fait partie des groupes Magazine et Visage. C'est aussi un des musiciens qui accompagne Nick Cave au sein des Bad Seeds. En solo, on entendait ici sa chanson The Trigger City Blues, extraite de l'album I Will Set You Free. Nous avons aussi pu entendre le projet Tapes and Topographies de l'Américain Todd Gautreau et sa composition In Stockholm, Where I Saw You Last, de son plus récent album Signal to Noise, qui paraîtra le 18 août prochain. Et pour débuter, il s'agissait de l'artiste japonais Katsuhiko Maeda et son projet Worlds and Girlfriend, qui nous interprétait « Les enfants du paradis » que l'on retrouve sur l'album « Seven Idiots ». Audiomatic reprend sa cadence avec un extrait du dernier album de la formation « Daughter ». I hate sleeping alone. Terrified with the lights out. I hate living alone. Talking to myself is boring conversation. Me and I are not friends. She is only an acquaintance. I hate dreaming of being alone. 'Cause you are never there. Just a shadow. With a blank face, kicking me out of his place. Thank you. Il est bien entendu cinéaste, mais aussi scénariste, producteur, réalisateur, comédien, photographe, peintre et également musicien. Nous avons nommé David Lynch qui nous offrait à Audiomatique la chanson « She Rise Up », parue sur son premier album studio solo intitulé « Crazy Clown Time ». Précédemment à David Lynch, le groupe écossais Mogwai nous présentait White Noise, pièce qui ouvre leur album de 2011, Hardcore Will Never Die, But You Will. Et pour amorcer ce segment, on pouvait entendre le groupe britannique Daughter et la chanson Alone With You de leur deuxième album Not To Disappear, lancé en 2015. Pour clore cette transmission 149 d'Audiomatique, nous vous présenterons l'artiste d'origine iranienne, mais habitant l'Angleterre, Leila Harab, qui se fait simplement connaître musicalement sous l'appellation Leila. De son album You and I, nous entendrons la pièce Boudica. les électronistes qui vous remercient d'avoir été attentifs pendant la dernière heure et qui espèrent que vous avez su apprécier et que vous aurez aussi envie d'être présents en direct mercredi prochain dès 17h pour la transmission 150. Dans l'intervalle, nous vous invitons à visiter nos plateformes pour, entre autres, entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Ça se passe au facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique. Voici, comme promis, Leila et la pièce Boudica. C'était Audiomatique avec les électronistes.